Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbeau Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler de la Ligue Junior Régionale, la Ligue Midget Régionale également. C'est la chronique des avec de la Ligue JMS avec Guy Saint-Gelais. Salut Guy! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Guy, je veux te parler d'abord, évidemment, on parle beaucoup des Saguenayens depuis cette histoire-là de la Ligue Junior Major du Québec, des Saguenayens des Marquis, mais ça va avoir des répercussions même dans la Ligue Junior Régionale. Là, je t'ai demandé ce matin, je voulais qu'on en parle à ce qui a trait à la Ligue Midget Régionale, la Ligue Junior Régionale, parce que là, je sais que les équipes de Saguenay ne jouent pas nécessairement au St. George Vézina. Par contre, les glaces où ce que les équipes jouent, il va être beaucoup plus occupé. Donc, ça va avoir des conséquences également. Là. Les séances d'entraînement au foyer des loisirs, à l'aréna du plateau, comment que ça va se passer? Bien, honnêtement, Danny, on n'a pas eu de feedback d'aucun hockey mineur. Okay. Aujourd'hui, j'ai fait quelques téléphones. J'ai réussi à parler à quelqu'un de la ville qui travaille au service des loisirs. Je veux savoir quelques informations. Il est certain... C'est certain qu'en allant jouer au Palais des Sports, les Saguenayens, ça va toucher les Marquis juniors. Ça, okay. En partant, ça va toucher les Marquis juniors. Parce que, juste question physique d'emplacement, écoute, là, le Palais des Sports n'a pas 62 chambres. Là. Ah oui, c'est sûr. Des grandes chambres. Tu parles de 18 chambres? Il y en a deux. OK. Il y a 6 chambres. OK. Et je veux dire, il y en a une, c'est une mini-chambre. Tu as la chambre des Marquis de la Ligue nord-américaine qui est à 100% à eux, donc on l'élimine aussi. Mm. T'as la chambre des Marquis juniors qui est à eux, donc on l'élimine. Fait qu'il reste plus, il reste quatre chambres, là. Mm. Deux d'un bord, deux de l'autre. Mm. Fait que si on en garde, là, avec les Saguenayens puis les Marquis vont cohabiter, mais c'est certain que les Marquis juniors, là, vont perdre de l'emplacement physique, malheureusement pour eux, là. Okay. Fait que, les joueurs là-bas sont très bien traités, là, par l'organisation, puis physiquement, là, sont très, très, très bien installés au Palais des Sports. Okay. Mais du côté de l'As, ben, c'est certain que Jonquière va écoper un petit peu parce que les Saguenayens vont jouer là, ce qui est les soirs de match. Il est certain que le junior ou le midget ou même le bantam ne peut pas jouer. Fait que les autres sont à replacer, fait que automatiquement, c'est la boule de neige. Là. Mais oui. Fait que tout est déplacé. Tu as l'aréna de l'UQAC qui appartient à la ville et à l'université. Puis, je veux dire, les glaces sont séparées entre Jonquière et Chicoutimi. OK. C'est une entente que la ville avait avec la construction de cet aréna-là. Fait que là, il est certain que Jonquière va récupérer un certain nombre d'heures de glace-là. Chicoutimi va en perdre. Avec le pavillon, les pratiques des sages et tout, ils pratiquent beaucoup de jours, mais ça va toucher des ligues adultes de jour. Donc, tout le monde est touché, là, du Nord. Ben oui. Ça peut-tu même aller jusqu'à Saint-Ambroise? Ça peut-tu même déborder jusqu'à Saint-Ambroise? Personnellement, je ne penserais pas que Saint-Ambroise, ça va partir de Saguenay. Oui, mais je veux dire, quand même, il peut toujours avoir des... Oui, les hockey adultes, puis, tu sais, les patinages artistiques. Oui. On parle de hockey, mais il y a du patinage artistique, il y a du patinage de vitesse. Il y a le patinage libre. Et... Oui. Il est quand même populaire, là, je veux dire, du patinage libre, il y en a dans tous les arénas de la province. Ça aussi, ça peut être touché parce qu'il y en a le samedi soir, là. Fait que, tu sais, la Ligue du lac aux fleurs, ça peut être touché aussi. Tu sais, on peut pas... Ouais. Pour l'instant, là, ils ont vraiment, on va dire en guillemets, là, mis un plâtre sur le problème. Mm. Puis on va en savoir plus, là, d'ici une semaine. Okay. C'est certain que... Et pour cette semaine, les marquis, également, tant au niveau junior que midget, il n'y a rien changé. C'est ça que tu me dis? Ben, il n'y a rien changé. Les marquis jouent vendredi soir. OK. Ils jouent au vendredi soir contre Chicoutimi. Ouais. Et les Saguenais sont à Rimouski. Ça fait que ça règle le problème. OK. Les marquis de les marquis Saguenay, eux autres? Les marquis... Les marquis de la Ligue Nord-Américaine ouais. jouent samedi soir. OK, donc c'est... Donc, eux, les Sags, ça va dimanche. Fait que, okay. côté de là, ça ne touche pas. Ça va toucher côté, on pourrait dire, installation, parce que les marquis jouent leur match et les Saguenais jouent le dimanche. Donc, ça va être un branle-bas de combat le lendemain matin pour faire la place aux installations des Sags. Mais je pense que les deux organisations là, se sont parlé aujourd'hui. Ouais. Puis ça a bien été. Là. OK, OK. Tout le monde a mis de l'eau dans son... Ben, il faut aussi, d'ailleurs. Là, c'est quand même une situation exceptionnelle. Là. C'est pas... C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Il faut que tout le monde se parle. Il faut que tout le monde arrive dans la même direction, puis c'est tout. Tu veux me parler du côté de l'abbé. Il va y avoir un match qui va avoir lieu junior 2 à l'abbé après plusieurs années d'absence. Oui, ben on sait que l'abbé, ça fait 4 ans qu'ils sont plus dans la Ligue junior 2A. Ouais. Puis le territoire de l'abbé appartient maintenant au Saguenay de Chicoutimi. OK. Ça fait que Chicoutimi, c'est 2 ans qu'ils essaient d'aller jouer à l'abbé, mais c'est conflit d'horaire, ça fit pas. Mm. Cette année, ils ont réussi à avoir une entente entre les deux hockey mineurs. Puis samedi le 17 à 20h, les Saguenay-Chicoutimi reçoivent les Éperviers de Normandin à l'abbé. OK. Et, je peux te dire, Danny, que je suis allé à l'abbé ce matin, puis ça parle de hockey junior. Là. Le monde sont contents de voir du hockey junior. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un test? Est-ce que l'abbé pourrait revenir dans le giron de la Légion régionale, parce qu'on parle beaucoup d'expansion, c'est une nouvelle que je retiens, là, mais est-ce que ça pourrait venir... Je veux dire, faut pas oublier une chose, que la baie, s'il revient, c'est soutenu par le trois quarts de son territoire. Ouais, OK. C'est soutenu, on a 14 joueurs qui viennent en dehors de soutenu, à leur club. OK. OK. On va tous de soutenu, là. Ça parlait à l'université, le cégep, puis... le territoire de l'abbé à Chicoutimi, il perd 14 joueurs. Ah oui, c'est sûr. C'est malheureusement, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? En fin de semaine, du côté junior, t'as eu un exploit. Là, t'as Raphaël Santerre là, qui a 6 points en 2 matchs puis, de Chicoutimi. Okay. Samuel Bérubé de Chicoutimi aussi qui a 7 points en 2 matchs. OK. Fait que ça, c'est... Je veux dire, puis c'est pas des 12 à 1, là, tu sais. C'est du 8-5, 8-4, tu sais, c'est quand même des gros scores, mais ça pas... D'habitude, des nombres de points élevés de même, on voit ça, là, sur un match qui finit 13 ou 14 ou 12 à 1, là. Tu sais, ensuite, ben, t'as toujours Jonquière qui sont en tête dans le junior, là, 4 points d'avance sur les Saguenay Chicoutimi. Okay. Les deux clubs jouent un contre l'autre au Palais des Sports à 19h vendredi. Ouais. Donc, si Chicoutimi veut se terminer premier, il doit absolument remporter ce match-là. Mm. Parce qu'il reste quand même 4 matchs à jouer du côté de Chicoutimi, 5 du côté de Jonquière. Fait que, de la saison, il reste 2 fins de semaine. Là. Ouais. Dans le midi, 3 fins de semaine. Pardon, 2 dans le junior et 3 dans le midi. Fait que les séries approchent à grands pas pour ben oui, déjà. Déjà. Oui, déjà, ça passe vite. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, écoute, me semble que hier on était au mois d'octobre, là, ça commençait. Ouais. Hey, Guy, aussi dans le midget maintenant? Dans le midget, ben on a toujours le Marcos Pop là, qui est en feu. Domine. Ouais. Ben, dans le feu, disons qu'ils sont fait éteindre un petit peu par Bécomo. Oh, oui, c'est vrai, en fait, semaine, une fiche de 500. Une victoire en prolongation et puis une défaite. Là. Mm. Ça fait que, à un moment donné, c'est dur pour un entraîneur d'amis garder la cadence des joueurs tout le temps à plein régime. Là. Mm. Ça fait que, on a bien beau avoir un bon club et une équipe pleine de talents. Les joueurs, même s'ils ne veulent pas, on s'assit sous nos lauriers, guillemets, ça arrive tout seul. C'est un match plus facile. Bécomo ont de la misère cette année. Saint-Prissien domine. Donc, tu sais, on ne veut pas, c'est des jeunes de 16 ans, là, 16, 17 ans, 15 ans. Fait qu'ils s'assisent dans le bus avant de partir de Saint-Prissien. Hey, ça va être facile, on joue contre Bécomo aujourd'hui. Mm-hmm. Malheureusement, puis les équipes de bas de classement, ben, attendent les équipes de pied ferme, là. Les équipes qui sont en haut de classement, c'est une motivation supplémentaire pour eux. Mm-hmm. Fait que, malheureusement, ben, ou heureusement pour un entraîneur, parce que des fois, un entraîneur aime ça, ben, aime pas perdre, mais aime ça des fois que son équipe se fasse remettre sur terre un petit peu, surtout avant les séries. Là. Ouais. Je pense que Jason, c'est un entraîneur d'expérience. Ben oui. Il va être capable de rebondir avec son équipe là, pour les trois dernières semaines de la saison régulière. Je suis inquiet là-dessus. Ouais. Bon, ben c'est beau. Fait que ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, on fait pas mal le tour. Je pense qu'on va en entendre parler pas mal toute la semaine. Donc, Oui, je te dirais que, tu sais, Danny, au Saguenay, on est chanceux dans un sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'hockey mineurs qui se jouaient au Centre Georges. Ouais. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup, mais les trois hockey mineurs des trois secteurs vont être touchés quand même. À court terme, non, mais si c'est pour le reste de la saison, oui, il va y avoir des gros changements. Là. Puis, si on sera au mois d'octobre, je te dirais que c'est un drame. Mais en fin de saison, pour les hockey mineurs, que les séries débutent d'ici 15 jours dans pas mal toutes les ligues, puis là, les équipes vont tomber tranquillement là, de semaine en semaine, ben c'est presque un avantage, là, puis une chance que ça arrive en fin de saison comme ça. Effectivement. Ben, toujours malheureusement, parce que puis c'est pas plaisant pour personne, mais d'un autre côté, s'il y a accès... Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a personne de blessé, c'est précaution. Ça fait que il aurait pu dire on continue à faire jouer junior majeur, puis on l'a déjà vu dans d'autres villes, dans d'autres pays, que des morceaux de toit tombent. Oui. Ben moi je me rappelle du stade olympique. Du stade olympique quand les expos. Le stade olympique, oui. Oui. Dans le temps, on avait disputé les matchs en concours. C'était pas les matchs en concours, c'était la fin de la saison. Je pense que c'était en 90. Les derniers matchs avaient été disputés à New York et dans un endroit neutre. Guy, merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Danny. Passe une belle semaine. Chronique de la Ligue JMS avec Guy Saint-Germain.